Se tiene par la main et marche en silence dans ce vile été que le crachin balance. Ne sonne que leurs pas, pas à pas fredonnés. Ils marchent en silence, des désespérés. Ils ont brûlé leurs ailes, ils ont perdu leurs branches, tellement naufragés que la mort paraît blanche. Ils reviennent d'amour, ils se sont réveillés. Ils marchent en silence, les désespérés. Je sais leur chemin pour l'avoir cheminé. Déjà plus de 100 fois, 100 fois plus qu'à moitié. Bien vieux ou plus meurtri, ils vont le terminer. Marche en silence, les désespérés. En dessous le pont, l'eau est douce et profonde. Voici la bonne hôtesse, voici la fin du monde. Ils pleurent leur prénom comme de jeunes mariés. Ils fondent en silence, les désespérés. Que se lève celui qui leur lance la pierre. Il ne sait de l'amour que le verbe s'aimer. Sur le pont n'a plus rien, une brume légère. Ça s'oublie en silence, ceux qui ont espéré.